Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. L'Arabie a très longtemps conservé son indépendance politique et sociale. La rigueur immuable de son climat, sa topographie inhospitalière, l'ont en effet toujours protégé. Personne n'a volontairement désiré le pays des Arabes. Ceux-ci ont été peu dérangés du fait de l'aridité, de la chaleur et de la poussière. Ils ont connu la sécurité des indésirables et ont appris, au fil des dizaines de générations, à se spécialiser pour survivre dans des conditions presque insupportables pour d'autres, écrivait Jacques Biribi il y a près de 60 ans. Le fait que le Yémen n'ait jamais connu d'invasion brutale explique le conservatisme qui s'observe dans l'organisation sociale, les langues, la toponymie. Une douzaine de tribus contemporaines sont mentionnées dans des textes qui remontent à l'Antiquité et pour certaines jusqu'au 8e siècle avant notre ère, écrit aujourd'hui Christian Robin. Pour découvrir le passé de cette Arabie heureuse, Jérémy Chitekat, bonjour. Bonjour Vincent. Archéologue chargé de recherche au CNRS, vous avez fait vos armes au Yémen et coédité aujourd'hui un livre, Yémen, terre d'archéologie, chez l'excellente maison d'édition Göttner, avec le concours du CEFAS. Jérémy Chitekat, disons-le haut et fort, le Yémen et son patrimoine vivent aujourd'hui un nouveau drame? Le Yémen et son patrimoine vivent un drame majeur aujourd'hui, un drame maintenant qui dure depuis plusieurs années et qui est la conséquence d'une succession d'événements. Ça a commencé par la montée en puissance du terrorisme dans le pays, qui a d'abord chassé un certain nombre d'Occidentaux qui étaient présents sur place, d'entreprises, les chercheurs en particulier, les archéologues notamment dont je faisais partie. Et puis, drame qui s'est poursuivi à la suite des printemps arabes, qui avaient pourtant bien commencé, mais qui ont suscité une effervescence au sein d'un certain nombre de tribus. Le déplacement, l'invasion, la conquête par une tribu du nord du pays sur l'ensemble des hautes terres, qui ont déstabilisé le gouvernement, qui ont entraîné la fuite du gouvernement en présence. Et à la suite de ces événements, l'intervention d'une coalition armée menée par l'Arabie Saoudite qui a entraîné le pays d'une guerre civile vers un conflit internationalisé, drame à la fois humain avec des victimes dans la population civile, drame patrimonial évidemment, avec des destructions nombreuses, extrêmement importantes. Le Yémen est un pays totalement à part dans la péninsule arabique, déjà très peuplé, 25 millions de personnes. C'est un pays à part, de plusieurs points de vue. Du point de vue de la géographie physique, pour commencer, puisque l'Arabie, on imagine toujours l'Arabie comme un vaste désert peuplé de nomades. Il faut voir ici que le Yémen, ce sont principalement des montagnes, que le Yémen est arrosé par les pluies de mousson qui permettent une agriculture. Donc on est très loin ici du cliché de l'Arabie déserte. Et puis un pays de ce fait qui est extrêmement peuplé, avec une tradition sédentaire qui est ancienne, des populations qui se sont installées, pratiquaient l'agriculture maintenant depuis 5000 ans. Et effectivement, c'est la principale puissance démographique de la péninsule, mais pays également en marge, hein, puisqu'il n'est pas membre titulaire du Conseil des pays du Golfe, parce que c'est le pays le plus pauvre de la péninsule, n'a pas les ressources pétrolières de ses voisins, donc un pays effectivement à part. Les archéologues étaient au Yémen depuis combien de temps? Alors c'est une recherche qui est récente. Disons que l'archéologie du Yémen a débuté dans les années 1930 avec une première fouille britannique. Alors à l'époque, dans ce que l'on appelait le protectorat d'Aden, qui est ensuite devenu le Yémen Sud. Mais néanmoins, la recherche archéologique ne s'est réellement développée qu'à partir des années 70. Donc c'est une recherche qui a 40 ans, qui est jeune, qui est à la fois débutante, mais qui a démarré, je dirais, assez rapidement, avec beaucoup d'équipes, qui ont pu en mettre en place des programmes de recherche assez modernes, qui intègrent toute la dimension environnementale que l'on peut maintenant avoir dans des programmes de recherche archéologique. Et nous commençons à avoir accumulé beaucoup de données factuelles, et nous rentrons maintenant, disons, dans une étape de synthèse, où l'on commence à pouvoir dresser le portrait de ce qu'était le Yémen à l'époque préhistorique, à l'époque pré-islamique et plus récemment également à l'époque islamique. Alors il y a eu quand même quelques pionniers dans les années 1820, par exemple Wellsteed sur la côte, on a eu aussi Halévy et son guide qui donnera deux livres, le livre d'Halévy plus le livre du guide, c'est bien ça? Exactement. Deux visions du monde. Deux visions très différentes, puisque pour parler directement d'Halévy, effectivement c'était un épigraphiste, un académique français qui avait été envoyé par l'Académie des inscriptions et belles lettres au Yémen pour entreprendre une collecte de données épigraphiques, qui a voyagé dans le pays accompagné d'un guide local, d'un juif yéménite qui s'appelait Hayim Abchouch. Et ils se sont rendus à la fois dans des régions qui aujourd'hui ces dernières années ont été inaccessibles pour les missions archéologiques. Je pense à la vallée du Djouf au Yémen, mais également dans la vallée de Najran, qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite, mais qui faisait partie du Yémen historique. Ils ont fait cette collecte épigraphique, qui est un outil absolument fabuleux, puisque sur ces données-là travaillent encore aujourd'hui les épigraphistes pour construire l'histoire de ces régions qui sont malheureusement restées longtemps inaccessibles. Autre explorateur assez méconnu, c'est un Autrichien qui s'appelait Setzen, qui en 1810 a découvert sur les hautes terres la première inscription sud-arabique, qu'il avait alors appelée Himyaritique. Et cet Autrichien a été assassiné vraisemblablement par son guide en 1811 à la suite de cette visite sur les hautes terres. Et donc il n'est jamais revenu vivant, malheureusement, de son expédition. Enfin bon, on pourrait multiplier les exemples cocasses de ces voyageurs. Alors là, ce passage, je signale le livre qui s'appelle Yémen et qui est donc le livre du guide d'Halévy qui donc a montré à Halévy l'ensemble de ses découvertes. Vous dites épigraphiste, on ne devrait pas dire sabéologue ou quelque chose comme ça? Alors la sabéologie, c'est un néologisme qui est apparu très récemment, qui a été forgé, disons, il y a à peu près une vingtaine d'années. Ce néologisme est construit à partir de Saba. Saba, qui est le royaume le plus emblématique de ces puissances de l'époque pré-islamique qui émergent, de ces royaumes qui émergent dans ce qui est aujourd'hui le Yémen. Et donc, effectivement, les études de toute cette période pré-islamique ont été baptisées sabéologie. C'est un terme un petit peu fantaisiste que l'on revendique pas forcément haut et fort, mais qui nous amuse et dans lequel on se reconnaît assez volontiers. Jérémy Chit, et quatre, revenons au patrimoine yéménite. Qui sont ces milices houthistes dont on ne savait rien il y a encore peu? Alors les milices houthistes, à l'origine, ce sont des groupes tribaux de la région de Saada, qui est au nord du Yémen, hein, proche de la frontière saoudienne. Ce sont des groupes zaïdites. Alors les zaïdites, c'est la communauté chiite des hautes terres yéménites. Et ce groupe, disons de houthistes, s'est retrouvé opposé au pouvoir central au début des années 2000 dans une forme de rébellion très localisée, précisément parce qu'ils voulaient revendiquer haut et fort leur attachement à leur identité zaïdite, qui était malheureusement quelque peu malmenée par le pouvoir en place. Cette rébellion a été écrasée par le pouvoir en place à la suite d'un certain nombre de conflits entre le gouvernement qui était dirigé à l'époque par Ali Abdallah Saleh et à la suite des printemps arabes, quand le pays a été fortement déstabilisé, quand le régime a été failli, que le gouvernement ne contrôlait plus le pouvoir, eh bien ces groupes houthistes finalement ont profité de cette situation d'instabilité pour prendre la capitale Sanaa, pour aller vers le sud jusqu'à Aden, conquérir l'ensemble de la partie ouest du pays et prendre le contrôle finalement des institutions gouvernementales jusqu'à l'intervention armée saoudienne qui voyait d'un mauvais œil la présence à sa porte d'une puissance chiite instable. Aujourd'hui, Al-Qaïda en péninsule arabique, les milices houthistes, la coalition militaire saoudienne sont en cause, peut-être pour des raisons différentes, dans cette destruction du patrimoine? Alors oui, disons que la destruction du patrimoine, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. On vit aujourd'hui une situation, comme on le disait en introduction, qui est dramatique. Il y a d'une part des destructions patrimoniales qui s'opèrent dans l'est du pays, qui est contrôlé par ces groupes dits islamistes, hein, ce que l'on appelle Al-Qaïda en péninsule arabique. Certains groupes maintenant revendiquent une appartenance à l'État islamique, à Daesh, font allégeance, disons, à Daesh. Les destructions dans ces régions-là sont d'ordre idéologique. Ce sont par exemple des mausolées de la période islamique qui, dans la région d'Al-Mukalla, ont été détruits. C'est également un attentat suicide à côté de la ville de Shibam, hein, qu'on appelle la Manhattan du désert. Shibam, ce sont de magnifiques tours en terre crue. C'est une ville bâtie en terre crue avec des tours hautes. Et en bordure de cette ville, eh bien, un camion piégé a explosé, entraînant l'effondrement de l'une de ces maisons et des dégâts extrêmement importants sur d'autres constructions. Ça, c'est pour ce qui se passe, disons, à l'est du pays. À l'ouest du pays, on peut déplorer deux choses. D'une part, des dégâts liés aux affrontements sur les lignes de combat entre cette coalition armée menée par l'Arabie Saoudite et cette résistance houthiste, d'une part, et puis dégâts extrêmement importants liés au bombardement de l'aviation saoudienne, bombardement aveugle, qui entraîne à la fois des drames civils, bombardement, on a parlé récemment dans les médias du bombardement d'un hôpital d'MSF dans le nord du pays, et également bombardement de vestiges archéologiques avec des destructions extrêmement dommageables et irrémédiables. La situation du patrimoine yéménite est-elle similaire à celui irakien ou syrien ? C'est à peu près du même niveau. On peut dresser un certain nombre de parallèles dans une certaine mesure. C'est similaire pour ce que j'évoquais précédemment, d'abord dans l'est du pays. Effectivement, ces groupes islamistes qui vont détruire des mausolées, il y a clairement ici une dimension idéologique comparable à ce qui s'est passé par exemple à Tombouctou d'une part, mais également à ce qui peut se passer en Irak et en Syrie. Dimension également similaire avec les destructions par l'aviation saoudienne de vestiges archéologiques. On a énormément médiatisé les destructions de Palmyre, deux temples de Palmyre qui ont été détruits par Daesh. En revanche, il y a eu des destructions au Yémen assez similaires qui sont totalement passées sous silence. Et je pense notamment à deux temples d'une ville antique qui s'appelle Barakesh, qui est un site absolument magnifique dans la vallée du Jouf. Des fouilles y avaient été effectuées par une mission italienne et deux temples avaient été restaurés depuis le sol jusqu'au plafond. Ces temples ont été la cible de 7 bombardements successifs au mois de septembre dernier par l'aviation saoudienne et ont été totalement détruits. Le barrage de Mareb a également été victime de bombardements de l'aviation saoudienne. Le musée de Damar a été totalement rasé de la carte, avec 12 500 objets archéologiques à l'intérieur, par l'aviation saoudienne. On pourrait multiplier les exemples des maisons-tours dans la vieille ville de Sanaa, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, une citadelle à Taïz. Il y a donc des destructions, effectivement, qui sont comparables. Simplement, la différence ici est d'ordre idéologique, puisqu'il ne s'agit plus ici de mettre à mal des représentations de ce qui pourrait représenter le paganisme par un groupe islamiste, mais ici des destructions qui sont le fait d'un gouvernement légitime qui agit avec l'appui d'une résolution votée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors je reviens deux mots peut-être sur le barrage de Mareb, évoqué dans le Coran, daté normalement du 8e siècle avant notre ère, qui serait le plus grand barrage de l'Antiquité dans l'Ancien Monde. Le barrage de Mareb est un monument absolument fabuleux. La levée de terre principale fait 700 mètres de long, 20 mètres de hauteur. Donc effectivement, c'est actuellement le plus grand barrage antique connu pour l'ensemble du bassin méditerranéen, du Proche et du Moyen-Orient. Des systèmes d'évacuation d'eau à ses extrémités font une centaine de mètres de long. Donc c'est un ouvrage extrêmement monumental qui a été bâti à partir du 8e siècle avant, qui a évolué pendant plus d'un millénaire, qui a été rebâti à travers le temps, et c'est devenu un ouvrage emblématique pour les pouvoirs, pour les dirigeants, pour les rois pré-islamiques, puisque au 5e, 6e siècle, nous avons une série d'inscriptions qui mentionnent la réparation de ce barrage par le souverain, et cette réparation était une manière pour ces souverains de légitimer leur pouvoir et le contrôle du royaume de Saba. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Jérémy Chitekat, le Yémen a toujours été un terrain difficile, probablement en raison du phénomène tribal. D'ailleurs, nombre d'archéologues, notamment français, ont été enlevés dans les années 2000. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu quelques-uns, effectivement. On fait peu de cas de ces enlèvements, parce que ce sont des choses difficiles à régler, et puis parce qu'en général, il n'y a pas non plus de quoi le revendiquer haut et fort. Mais le Yémen est un pays compliqué. Quand on travaille sur le terrain, il ne suffit pas d'avoir simplement l'assentiment du gouvernement et des instances centrales de Sanaa. Il faut connaître le fonctionnement du pays, il faut connaître les tribus qui sont établies dans les régions où l'on va travailler, régions dans lesquelles le gouvernement central n'a pas toujours la main mise. Et il faut effectivement un temps de discussion préalable à chaque entreprise de fouille, des accords avec ces tribus locales et effectivement parfois des frictions ou la traversée d'un territoire qui est en conflit avec la tribu voisine qui, elle, a autorisé un passage, peuvent entraîner des enlèvements qui se sont fort heureusement toujours bien terminés pour les personnes enlevé. Le Hadramaout, le Maram étaient des terrains difficiles. Le Jouf est un terrain absolument inaccessible. Le Jouf est un terrain qui a toujours été très dangereux. Oui, il a toujours été dangereux déjà à l'époque d'Alevi. Alevi lui-même n'est pas allé sur l'ensemble des sites sur lesquels il prétend avoir récolté des inscriptions. C'est souvent son guide justement qu'on évoquait précédemment, Ayem Abchouch, qui s'est rendu sur place pour faire ses relevés. Le Jouf est une région qui est restée fermée. Jusque dans les années 80, deux missions archéologiques ont pu y travailler, une mission française dirigée par Jean-François Breton, une mission italienne également que j'évoquais à Marrakech, mais ce sont des incursions qui ont toujours été assez ponctuelles et qui n'ont malheureusement pas permis de développer des programmes ambitieux dans cette région qui est celle qui comporte les sites les plus importants du Yémen antique. Le trafic a toujours été très important au Yémen, le trafic bien sûr d'antiquité. On peut penser qu'il ne fait que de s'accroître dans cette période de crise. Oui, malheureusement. Alors, On le voit sur le marché de l'art, on voit des pièces absolument somptueuses apparaître sur les places de vente internationales. Je pense notamment à un trône en pierre qui fait à peu près 2 mètres de hauteur, 60-70 cm de largeur, donc une pièce qui pèse plusieurs tonnes, qui est sortie du pays et qui a été commercialisée à l'étranger. Ce pillage est le troisième drame après les exactions, de ces groupes islamistes et les bombardements liés de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Le pillage est un drame qui est majeur aujourd'hui, mais qui est assez ancien. Justement, dans la région du Jouf, par exemple, qui est une région dans laquelle on pénètre difficilement, c'est une région pauvre et il faut bien voir que pour les populations locales, le pillage des sites, c'est un moyen simplement de survivre, de pouvoir manger. Et donc ces sites sont majoritairement détruits. C'est un pillage qui s'est systématisé ces dernières années avec l'effondrement total de toute structure gouvernementale. Et il s'agit d'un gruyère, on voit des puits de pillage à intervalles réguliers, les sites sont quadrillés et c'est devenu une entreprise quasiment méthodique qui permet de faire sortir ensuite par des réseaux qui sont extrêmement bien constitués les pièces hors du pays que l'on va ensuite retrouver sur les places de vente. Pourquoi la destruction du patrimoine yéménite passe inaperçue en Europe ? Alors malheureusement, il y a plusieurs éléments. Le premier, je dirais, c'est que le Yémen est un pays qui est peut-être un peu plus lointain et moins bien connu que ne peuvent l'être l'Irak et la Syrie, qui, elles, ont été mis sur le devant de la scène. C'est une première raison. La deuxième raison, elle est largement idéologique. C'est-à-dire qu'en Syrie et en Irak, les principales destructions sont le fait d'un groupe islamiste, terroriste, non légitime, que l'on cherche à montrer du doigt, je pense à juste titre. Et il y a donc une volonté ici de mettre en avant non seulement le désastre humain et humanitaire qui peut résulter de leur action, mais également patrimonial. Au Yémen, les principales destructions actuelles sont le fait, malheureusement, de l'Arabie Saoudite, qui est un gouvernement légitime, qui agit, comme je le disais, avec l'appui des Nations Unies, avec un armement et des renseignements qui sont fournis par la France, par les États-Unis, par le Royaume-Uni. Et il n'y a peut-être pas la même volonté ici de médiatiser des destructions qui sont opérées par cette coalition. Un certain gros nombre de collègues archéologues tentent néanmoins, à travers les médias, à travers les journaux, de sensibiliser l'opinion publique, avec un succès malheureusement assez limité. L'UNESCO fait également actuellement un nombre de projets extrêmement importants pour tenter de préserver ce qui peut l'être, pour tenter de recenser, de faire le recensement avec l'aide des Yéménites sur le terrain des destructions et pour envisager ce qui pourra être fait à la suite de ce conflit que j'espère le plus court possible. Palmyre, c'est bien sûr romain et c'est notre passé. Alep ou le Yémen, ce n'est pas notre passé, c'est peut-être aussi une de ces raisons. Peut-être effectivement que le public occidental est plus sensible à ce qu'il connaît et à ce en quoi il peut s'identifier. Donc Palmyre, effectivement, c'est devenu une colonie romaine au IIIe siècle et on y voit des vestiges romains comme on peut les voir sur le Forum de Rome ou en Europe occidentale. Les vestiges de Nimroud qui ont été détruits sont des choses que l'on voit dans nos musées, au Louvre, ce sont les pièces les plus impressionnantes. Au British Museum, c'est la Massouk qui provient de ces sites du nord de l'Irak. Donc c'est des choses effectivement auxquelles on s'identifie facilement. Les vestiges yéménites sont des choses qui parlent peut-être moins, sont des objets qui parlent peut-être moins dans l'imaginaire collectif occidental. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons le passé du Yémen avec Jérémy Chidekat, archéologue chargé de recherche au CNRS. Le Yémen n'est-il pas avant tout marqué par une grande civilisation qui a laissé de nombreuses traces, la civilisation sud-arabique? Comment expliquez-vous le développement de ces royaumes? Donc celui, bien sûr, de la reine de Saba. Exactement. Alors ces civilisations sud-arabiques, pour reposer un petit peu le cadre chronologique, ce que l'on appelle les royaumes sud-arabiques, apparaissent vers le 8e siècle avant Jésus-Christ et perdurent jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. C'est donc une période, effectivement, qui a laissé des traces importantes, monumentales d'abord. C'est, disons, la période de monumentalisation de tous ces sites archéologiques que l'on connaît au Yémen, avec des temples, des barrages, de grandes villes fortifiées par des remparts, et puis une production écrite extrêmement importante qui se manifeste surtout dans des inscriptions laissées sur la pierre et effectivement un corpus important de données, 10 000 inscriptions dites sud-arabiques. C'est une langue sémitique, écrite dans un alphabet que l'on appelle sud-sémitique, et qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Nous avons un corpus d'à peu près 10 000 inscriptions qui est énorme pour cette période-là et qui nous informe sur la structure sociale de ces populations et sur leurs activités économiques et militaires. C'est une très belle écriture, en général liée à des monuments, donc on en apprend beaucoup. Extrêmement belle écriture, c'est une écriture très géométrique, très élégante. Proche du gaze un peu. Proche du gaze, en fait c'est cette écriture, disons, qui a été diffusée en Éthiopie lors de mouvements soit commerciaux, soit colonisateurs, de populations du Yémen, sud-arabie, qui se sont installées en Éthiopie, qui ont apporté leur écriture, cette écriture qui a ensuite été reprise par les Éthiopiens pour donner le gaz, effectivement. La ville, le phénomène urbain, n'existe pas dans la péninsule arabique, hormis en Arabie heureuse, en Arabie méridionale. Quelle est la genèse de ce phénomène au Yémen? Alors, le phénomène urbain, pour la période évidemment pré-islamique, pour la période islamique, là on rentre dans un contexte tout autre. Pour la période pré-islamique, effectivement, l'urbanisation ne se développe que tardivement, à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ, et au Yémen. Nous avons dans d'autres régions de grandes oasis qui se développent dès le début de l'âge du bronze, dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ, mais on ne voit pas apparaître de villes au sein de ces oasis. Au Yémen, en revanche, nous avons la conjonction de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, un développement agricole qui va être important. Je le disais, nous avons des pluies de mousson au Yémen qui permettent d'irriguer de vastes zones, et dans ces vastes zones irriguées vont se concentrer une population importante. Cette population est structurée en tribus. Et ces tribus ont besoin d'un certain nombre d'édifices, disons, pour installer leurs institutions, un temple où sera vénérée la divinité tutélaire de la tribu, un palais où on va retrouver le souverain, le roi de cette tribu, des fortifications, et donc l'ensemble de ces éléments, un centre de pouvoir, un centre économique, un centre religieux, un centre fortifié, eh bien, va progressivement apparaître comme une ville dominante au sein du territoire tribal, et c'est là qu'apparaissent justement nos villes au Yémen, en Arabie du Sud pré-islamique. Et à partir de quoi se crée cette civilisation? L'irrigation, le commerce caravanier? Les deux. D'abord l'irrigation. C'est vrai que longtemps, nous avons mis en avant le commerce caravanier. Commerce caravanier qui est principalement celui de résines aromatiques, la myrrhe, l'encens, qui était exporté à dos de dromadaire jusque Petra, Gaza, puis diffusé en Méditerranée, qui avait une valeur sur le marché romain, une valeur extrêmement importante. Et donc, ce commerce, effectivement, a souvent été mis en avant. Lui, en fait, n'intervient que dans un second temps. Ce qui a permis vraiment le développement de ces villes, de ces royaumes, c'est avant tout l'agriculture. L'agriculture commence à se mettre en place au 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est un long processus de conquête agricole, de conquête territoriale, d'aménagement de structures d'irrigation qui vont être de plus en plus ambitieuses, qui vont permettre d'étendre les zones de culture sur des surfaces de plus en plus vastes. Et c'est cette conquête agricole qui va réellement amener à l'émergence d'un pouvoir, à l'émergence de villes. Et ensuite, ce sont le long de ces villes que vont se dessiner les pistes caravanières, qui ensuite vont permettre d'exporter ces résines aromatiques vers des régions beaucoup plus distantes. Le royaume de Saba est bien entendu le plus connu, il unifie d'ailleurs l'ensemble du pays, mais il semble péricliter assez vite. Alors le royaume de Saba effectivement est le plus connu, il est connu à travers le personnage de la reine de Saba. Il faut bien dire que s'il n'y avait pas eu la reine de Saba mentionnée aussi bien dans la Bible que dans le Coran, je doute que ce nom évoque quoi que ce soit auprès d'un grand public. Jérémy Chitekat, vous avez vous-même fouillé dans les hautes terres une de ces villes, une ville Hassi, une ville du 2e siècle avant notre ère. Alors, effectivement, c'était une mission franco-yéménite qui a travaillé sur le site de Hassi. Il s'agit là, alors nous sommes en marge du royaume de Saba, il s'agit d'un autre royaume. Le royaume de Saba était l'un des royaumes sud-arabiques, c'est le plus connu, mais d'autres royaumes se sont développés dans ces régions. Ici, nous sommes dans le royaume de Kataban, qui est un royaume voisin de celui de Saba. Et Hassi était une ville des hautes terres qui est devenue un centre de tribu, un centre tribal. Et donc, on y trouve le palais des dirigeants de cette tribu, on y trouve un système de fortification, de l'habitat et puis de très nombreux barrages qui ont été bâtis alentour. Et tous ces barrages sont commémorés par une inscription et l'on voit qu'ils sont tous commandités par les dirigeants de cette tribu. Il s'agit donc d'une volonté réellement de la part de ces dirigeants, de ces chefs tribaux, d'aménager de grandes structures d'irrigation qui vont profiter à l'ensemble de la tribu. En Arabie, l'équilibre entre tribus nomades et populations urbaines ou sédentaires est toujours fragile. Ce fut le cas, est-ce toujours aujourd'hui le cas ? Alors, ce fut le cas parce que nous sommes dans une région où le moindre déséquilibre climatique peut entraîner des bouleversements assez importants. 2-3 années de mauvaises récoltes peuvent inciter des populations sédentaires à se retirer, à bouger. Et les populations nomades qui gravitent autour de ces villes qui sont situées dans ces zones de marges arides, sont dépendantes, en quelque sorte, de ces populations sédentaires, ne serait-ce que pour assurer leur subsistance. Et donc, effectivement, dans des périodes de déséquilibre, on peut voir des phénomènes conflictuels qui apparaissent, et c'est le cas au 2e siècle avant Jésus-Christ, où l'on observe une crise écologique, une crise environnementale dans ce que l'on appelle les basses terres, qui sont la bordure du désert de l'intérieur du pays, où l'abandon progressif de systèmes d'irrigation va entraîner la pénétration de populations nomades vers l'intérieur des vallées et déstabiliser un peu plus ces régions. Aujourd'hui, la situation est un petit peu plus contrastée puisque beaucoup de ces populations nomades se sont sédentarisées par la force des choses ou l'ont été un petit peu de force. Je pense ici plus à l'Arabie Saoudite. Et donc ce monde nomade, disons, est un monde qui tend maintenant malheureusement à disparaître. En tout cas, quelle est la place de cette civilisation pré-islamique au cœur de la société contemporaine yéménite ? Elle est très présente. Elle est très présente parce qu'il y a une fierté de la part de la population yéménite vis-à-vis de ce patrimoine et de ce passé pré-islamique. Et c'est quelque part un élément qui est constitutif de l'identité yéménite. Il y a beaucoup de contrastes. Il y a des contrastes tribaux, il y a des contrastes religieux, il y a des régions sunnites, il y a des régions chiites. Mais ce passé pré-islamique forge l'identité. Je vais prendre juste deux exemples. Le premier, ce sont simplement les billets de banque. Si l'on regarde les billets de banque yéménites, qu'est-ce que l'on voit dessus ? La statue de Madi Karib, qui était une statue de bronze d'un personnage qui était retrouvé dans un temple, le temple de Mareb, le grand temple du dieu Al-Makka. On y voit sur un autre billet les piliers de ce temple d'Al-Makka. Et puis le deuxième exemple, c'est le barrage de Mareb. Dans les années 1980, le pouvoir a entrepris la reconstruction d'un barrage moderne à 200 mètres en amont du barrage antique de Mareb. Et au moment de l'inauguration de ce barrage, eh bien, le président a fait rédiger une inscription de commémoration qui reprend les formules des souverains pré-islamiques. Inscription rédigée en arabe, mais également en sud-arabique et qui a été rédigée avec le concours d'épigraphistes spécialistes de ces langues pré-islamiques pour reprendre exactement les formulations qu'employaient les souverains pré-islamiques. Donc il y a effectivement une continuité et un attachement à ces civilisations pré-islamiques qui est extrêmement fort.